Zembo haya tangwe mba makinga na zala kite. Oh valanta Maria, tenga kombi zamba farama boya tobi na rumba. Cha cha. Oh Maria valanta, tenga suzana boya tobi na rumba. Cha cha. Oh Maria valanta, tenga suzana boya. Makinga na zala kite Melelo na komiko ye mbango Na papa delvise sa sero Na lindanda ya pepe felie Manuaku, wako Encore une fois Manuaku, wako Le kia de debo ke lilo hama kembo Des affaires chaque botulo Jipe boto mezo lele Silio scrave De Vélec, Jacques Denat, le filin, image et son.